Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence des histoires antiques pour faire peur aux enfants avec Sophie Larribi-Glaudel, docteur en histoire ancienne, dans le cadre de l'édition 2024 du Festival des Imaginales. Cette année, on m'a demandé voilà, si j'avais quelque chose sur le thème Memento Mori. Alors, j'ai Memento Mori, moi je suis spécialiste de l'enfance. Si un dimanche soir, je rappelle aux gens pendant 20 minutes la réalité démographique de la mortalité infantile, je pense que tout le monde va sortir complètement déprimé. Et ce n'est pas l'objectif, même si je fais un trigger warning, on en parlera. Mais je vous rassure, voilà, de manière marginale, mais qui servira à expliquer aussi un peu le rôle de ces monstres antiques. Donc, je me suis dit, bon, Memento Mori, je le laisse dans un coin de mon esprit. Et puis, bon, je pense surtout à imaginaire, littérature de l'imaginaire. Évidemment, moi, j'ai la chance de travailler sur... en tant qu'antiquisante, sur les racines de nos littératures de l'imaginaire, d'où qu'elles viennent, hein, ces textes anciens, qu'ils soient grecs, latins, mais aussi mésopotamiens, bon, un peu moins égyptiens parce que j'ai moins les compétences, mais j'ai la chance d'avoir cette matière. Donc j'ai proposé à Nadège Taureau, hein, qui est officie également au sein du comité d'histoire régionale, ce titre, hein, « Des histoires entre parenthèses antiques pour faire peur aux enfants ». Pourquoi le « entre parenthèses antiques » ? Parce que vous allez vous rendre compte que même si elles ont été inventées, écrites, même si elles puisent leurs racines dans l'Antiquité, finalement, il y a un invariant et elles nous parlent encore. Et je vais essayer, hein, de vous permettre de dialoguer avec cette Antiquité lointaine et en même temps si proche. Alors, je vais commencer par vous présenter une galerie de monstres antiques. Et je vais peut-être vous décevoir, on va beaucoup travailler sur les textes, parce que finalement, on a assez peu de représentations, mais je vous réserve une petite surprise. Alors, ces histoires pour faire peur aux enfants, ce sont principalement, en tout cas celles que j'ai retenues, principalement des histoires de monstres. Et on a effectivement, alors je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, rassurez-vous, mais je vais me concentrer sur quelques figures de monstres. Je vais commencer par un premier monstre qui est moi-même, puisque je vous ai mis les textes uniquement en grec, mais ça, c'est parfaitement militant. Voilà, regardez ce à côté de quoi vous passez, parce que vous ne... Il y a peut-être sans doute parmi vous qui réussissent à lire et à comprendre, mais voilà. Alors, j'ai commencé avec un premier monstre qu'on rencontre dans nos textes qui s'appelle Gello. Alors, Gello, c'est une figure qui est très intéressante parce que, et je vais vous la présenter, alors, on a Hésiclus. Hésiclus, c'est un lexicographe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à la fin de l'Antiquité, face à ses textes plus anciens que lui, qu'il ne comprend plus tout à fait, ou en tout cas que sa société de l'Antiquité tardive ne comprend plus tout à fait, il fait un dictionnaire pour permettre à ses contemporains, de la fin de l'Antiquité toujours, de comprendre un petit peu ses textes plus anciens. Et à l'entrée, Gello, hein, il nous explique que c'est un daimon, hein, et puis vous voyez, donc, en gunaikes taneogna paedia fascin arpadzein, donc c'est un monstre dont on dit que elle. Alors, Arpadzein, je vais vous faire traduire, je vous fais un cours de grec en même temps. On voit qu'il est question de gunaikes. Gunaikes, c'est facile. C'est les femmes, hein, gynécologie, donc une question de femmes. Neognia paedia. Paedia, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est ce qu'on retrouve dans pédagogie. Ce sont les enfants. Donc, c'est un démon dont on dit que, question de quelque chose, les femmes et les jeunes enfants. Et Arpadzein, vous connaissez Arpadzein parce que vous connaissez la pièce de Molière avec Harpagon. Se saisir. L'avare, c'est celui qui se saisit de son argent. Donc Arpadzein, donc elle s'en prend, elle saisit, elle l'enlève. Autrement dit, les femmes et les bébés ou les nouveau-nés, hein, les jeunes enfants. Et puis on a un autre auteur, hein, qui nous explique pourquoi elle s'en prend aux jeunes enfants. Toujours une explication quand même, on se dit mais c'est pas possible, une figure aussi maléfique, il y a forcément une raison à ça. Et Zénobe nous a transmis le mythe, hein, la légende qu'il y a derrière Gello, hein, donc il explique, je l'ai mis en gras, donc on voit Gello, hein, donc c'était une Parthénos. Parthénos, c'est-à-dire une jeune fille, et Aoros était le TC. En fait, elle est morte avant d'avoir accompli son temps. Autrement dit, elle est morte avant d'avoir pu se marier et avoir elle-même des enfants. Je vous rappelle que dans le monde grec, la destinée de la femme libre, elle n'est pas terrible, hein, c'est se marier et avoir des enfants, et on va pas plus. Et là, on est accompli. Hein, bon. Et donc, on explique voilà, que cette malheureuse Gello, elle est morte jeune fille, elle n'a pas pu se marier, elle n'a pas pu se faire des enfants, donc c'est pour ça que par vengeance, elle s'en prend aux femmes. Alors, si je reprends Hésicus, je comprends que c'est les femmes qui ont eu des enfants, parce que Gunée, en fait, dans le cycle de la vie féminine, c'est la femme mariée qui a mis au monde son premier enfant. Avant d'être mariée, elle est Parthénos, et entre le mariage et la naissance du premier enfant, elle est Nymphée. Nymphée, vous reconnaissez la nymphe. Donc la nymphe, hein, compagne d'Artémis. Et puis, nymphe, vous reconnaissez peut-être aussi cet état, si vous avez fait un petit peu de science de la vie et de la terre, l'état de, notamment des cigales hein, qui passent par cet état de nymphe, cet état intermédiaire avant d'être accompli. C'est très intéressant là-dedans. Donc voilà, cette malheureuse monstresse, Gello, c'est en fait une ancienne humaine qui a eu une destinée interrompue et malheureuse. Premier monstre qui fait peur, hein, parce qu'on voit qu'elle s'en prend aux femmes et aux jeunes enfants. Un autre monstre, une autre monstresse, j'insiste là-dessus, et ça nourrira peut-être vos questions, hein, Vianney l'a dit, hein, je vais vous présenter pendant 20 bonnes minutes, je vais essayer de m'y tenir, je suis très bavarde, surtout quand il s'agit d'histoire ancienne, et encore plus quand il s'agit d'histoire de monstres. Vous aurez un temps de questions après, donc peut-être que là, j'espère que je suis en train de faire naître un questionnement sur l'identité de ces monstresses. Donc on a une autre monstresse, Lamia. Et alors, Lamia, elle fait très peur aussi. Elle est un petit peu collègue hein, de Gello. Et vous allez reconnaître des traits communs entre les deux. Et c'est Diodore de Sicile qui nous explique hein, qu'elle était très belle, mais elle était aussi très cruelle. Et là, vous comprenez le sous-texte. Je ne l'ai pas mis dedans, mais en fait, Lamia est réputée venir de Cyrénaïque hein, dans certains textes. Donc, c'est une étrangère. Très belle mais très cruelle hein, et la pauvre, tous les enfants qu'elle met au monde, donc les enfants qu'elle avait mouraient tous, accablée de chagrin et jalousant le bonheur qu'avaient les autres femmes d'avoir des enfants, elle ordonna, dit-on, d'arracher les nourrissons du sein de leur mère et de les tuer sur le champ. L'humaine vraiment très très méchante. Et c'est ce qui a fait, donc là vous voyez que Diodore essaye de rationaliser, il explique en fait, non mais il n'y a pas de monstre qui s'appelle Lamia, mais il y a cette figure historique hein, qui est à l'origine de l'histoire qui fait peur aux enfants, c'est là donc qui fait que chez nous jusqu'à l'époque actuelle, évidemment celle de Diodore, s'est conservée, et c'est très intéressant, je ne vous ai pas mis le grec là parce que je ne voulais pas trop vous torturer, mais chez les enfants, la légende qui concerne cette femme est que son nom leur cause le plus grand effroi et on se mit à raconter qu'elle mettait ses yeux dans une corbeille à raisin. Voilà, puisque comme elle était très belle, mais en même temps très cruelle, en même temps c'est une reine étrangère, évidemment elle boit, hein, et quand elle boit, elle s'arrache les yeux pour les mettre dans une corbeille à raisin. Enfin, plus exactement, c'est une manière de dire qu'elle faisait semblant de ne pas se rendre compte de l'horreur de ses actes. Retenez le nom de Lamia, j'y reviens après. Alors, autre monstre dans cette galerie, hein, parmi les plus célèbres, évidemment, je pourrais encore en convoquer d'autres, mais je pense qu'on aura suffisamment peur à la fin avec cela pour que je n'en rajoute pas. Mormo, qu'on rencontre parfois sous la forme de Mormoluke. Luke, Lukaios, le prénom Luc, le Lycée. En grec, le loup. Tout à fait. Le chien, alors on en croise, je ne vais pas me moquer des chiens que je croise ici parce que je vais vexer des gens, certains ne font pas très peur par rapport à un loup. Voilà, donc c'est le loup, Lukaios. Et on a quelqu'un d'aussi sérieux que Platon qui nous en parle. Hein. Dans le Phédon, alors Memento Mori, vous voyez, comme j'ai réussi à faire quelques liens hein, où on parle de la peur de la mort, etc. C'est dans le Phédon que vous avez la mort de Socrate. Replongez-vous dans les textes, à un moment, on explique qu'on a peur du moment de la mort, mais qu'en fait, c'est une peur enfantine et qu'il faut dépasser cette peur enfantine. Donc, Platon, évidemment, ne nous parle pas des enfants, mais nous, on voit en filigrane hein, tout le paysage, tout l'environnement philosophique, tout l'environnement culturel que connaissait Platon, hein, fin 5e, début 4e. du siècle avant notre ère. Alors, bien plus tôt, donc c'est la traduction de Louis Robin, « Ne fais pas comme si c'était nous qui avions cette crainte, mais comme s'il était probable qu'au-dedans de nous, il y eut un enfant à qui font peur ces sortes de choses. C'est donc cet enfant qu'il te faut tâcher de réconforter, d'empêcher de craindre la mort comme il craint la mormoluquée. » Les enfants ont peur de mormoluquée. Et puis Socrate répond, et ça c'est très intéressant, même si j'aimerais bien que Platon nous ait fait une note de bas de page, mais il n'a pas développé, parce que c'est évident pour les gens à qui il s'adresse à ce moment-là. « Eh bien, réplique Socrate, ce qu'il faut à cet enfant, c'est une incantation quotidienne, ce qui veut dire qu'il devait exister, et ils ne nous sont pas parvenus des textes, peut-être des textes de berceuses, qu'on récitait aux enfants pour calmer leurs peurs, pour calmer leurs pleurs, mais aussi, et on le fait encore, dans une dimension apotropaïque ou performative. Apotropaïque, ça veut dire pour protéger des dangers. Mais réfléchissez aux berceuses qu'on chante aux enfants et à la valeur de ces paroles. Alors, il y a le rythme, il y a le fait de les calmer par la musicalité, par les sons, les allitérations. Mais il y a aussi un petit peu de... Allez, j'ose le mot, de ce que nous, on appelle de religieux derrière. Il y a un peu de rituel, en fait. Quand on dit à un enfant « fais dodo », on lui ordonne de faire dodo. Alors, mormo, Platon nous en parle, et ça me paraissait très important de vous parler d'une autre source qui évoque mormo. Et en même temps, ça me permet aussi de vous confronter à la réalité de nos sources antiques. Mormo, je suis très contente de pouvoir vous en parler, c'est une poétesse grecque du 4e siècle avant notre ère, Erina, qui en parle, et qui en parle encore mieux que Platon, hein, avec tout le respect que je dois à Platon. Bref. Voilà l'état du poème dans lequel Erina parle de Mormo. Hier, on a fait une table ronde sur l'histoire aujourd'hui, l'Antiquité aujourd'hui, pardon, et on a insisté sur les fragments. Vous avez un bel exemple de fragments. Vous connaissez, alors je ne les ai pas pris avec moi, mais vous connaissez sans doute Platon, pour l'avoir peut-être lu en terminale, dans la version de poche, traduite, etc. Platon, on l'a récupéré grâce à la transmission, à la tradition manuscrite, à la transmission aux copies successives, et puis on a un texte entier, parce que ça a été conservé, on a pu éditer un texte. Mais ça veut dire qu'à la fin de l'Antiquité, au cours du Moyen-Âge, des choix ont été opérés. On a choisi les textes à copier. Il y a aussi eu des accidents. Il y a des bibliothèques qui ont brûlé, hein. Tout le monde a entendu parler d'Alexandrie. Mais il y a aussi eu des choix qui ont fait que peu à peu, on a arrêté de copier tel ou tel texte. Et puis, la nature, l'histoire, le temps a fait son œuvre et le texte a disparu. Mais on a d'autres textes, voilà, qui nous sont parvenus sous cet état grâce à une région du monde antique qui s'appelle l'Égypte, où il fait suffisamment sec pour que le papyrus se conserve. Alors vous me direz, se conserve pas dans un état terrible, mais on a cette chance. Parfois, on les retrouve dans des déchetteries, dans des dépotoirs, on les achetait à la poubelle. On a fini de recopier, hop, on jette. Et puis, surtout en Égypte, on les conserve grâce au cartonnage de momies. Sauf que pour faire un cartonnage de momie, on prend son papyrus qu'on recycle et puis on le découpe, hein, pour recycler le papier. Donc il nous manque des textes, il nous manque des parties du texte. Je reviens à mon poème, là, alors le titre qu'on a donné c'est La quenouille, on n'en sait rien hein, si c'est le titre que Kérina aurait donné. Et il y a ce passage, alors regardez bien la matérialité du texte et vous allez voir la matérialité de la transcription. Il ne m'en reste pas grand chose, mais... Dans ce pas grand-chose, c'est énorme. Dans ce poème, Erina a perdu son amie d'enfance, Baucis. On comprend que Baucis, elle est morte très peu de temps après son mariage, certainement pendant son accouchement. On n'est pas tout à fait sûr, elle a peut-être été malade, mais de ce qu'elle raconte, on sent bien qu'il y a un arrière-plan, qu'il y a un lien avec la mort en couche. Et puis, donc, elle raconte ses jeux d'enfant avec Baucis et ses souvenirs d'enfant, et elle invoque Mormo. Mormo nous faisait si peur. Alors, vous voyez, il nous manque des mots, donc on essaye de deviner ce qu'il peut y avoir derrière. Sur sa tête, de grandes oreilles, et elle se tenait sur quatre pattes et elle se métamorphosait. Donc, vous voyez qu'on a la Mormo reine étrangère, très belle et méchante, voilà, des auteurs. Puis on a aussi cette Mormo en fait qui est une Mormo animale. Et Mormo me permet de faire la transition vers un monstre que vous ne connaissez sans doute pas, mais que j'adore, c'est la crocota. La crocota, et rien que dans... Et c'est le mot grec, hein, je l'ai pas remis en gras, mais c'est le troisième mot, là. Hein. Crocota, crocotan, crocota. Imaginez la crocota. Elle fait peur. Rien qu'on quand on entend ça, on l'entend arriver et claquer des dents pour venir nous mordre. Je vous ai parlé des fragments. Je vous ai montré un fragment sous la forme de papyrus fragmentaire, donc un contact direct avec la source antique. Là, c'est un autre type de fragment. C'est une citation hein, dans ce qu'on a donc dans un. Alors, il faut aller le chercher. Hein, c'est dans le Paradoxographus Vaticanus numéro 2. Où on nous cite Dalion, les Éthiopiques. Alors évidemment, ils nous racontent des histoires qui se passent dans ces régions très lointaines, pas très bien connues par les Grecs. En fait, c'est l'Afrique. Hein. Et alors, il nous dit, voilà, dans le premier livre, quand on cite, la personne qui cite Dalion nous dit, dans le premier livre des Éthiopica, Dalion raconte qu'il existe en Éthiopie une bête appelée Crocota. Elles se rendent près des maisons pour écouter les conversations et en particulier les noms des enfants. La nuit, elles reviennent pour les appeler par leur nom et les enfants ainsi attirés sont dévorés par elles. Elle est extraordinaire, cette crocota. Alors, j'ai pas résisté, c'est pas du tout la crocota, c'est une louve sur une mosaïque de l'Antiquité tardive, mais voilà, quand je vois ces crocs à cette louve qui a l'air... Je ne sais pas ce qu'elle a consommé, elle a dû boire beaucoup de vin pendant un banquet, mais elle a ce côté un peu voilà, crocota. Et vous allez la voir dans vos rêves cette nuit, elle va vous apparaître. Alors, on a des descriptions hein, de ces monstres qui font peur, parce qu'ils sont, vous retrouvez le fil rouge, on les associe à des pays lointains, à des figures étrangères. Bon, alors la crocota, ça reste un nom féminin, hein. Bon. Donc on a surtout des témoignages dans les textes, on n'a pas grand-chose dans l'iconographie, mais on a quand même, je ne résiste pas à vous le montrer, ce vase. Alors on n'a pas pu faire une photographie, et il me semble même qu'il a disparu, ce skiphos, mais quelqu'un en avait fait une copie au XXe siècle. Donc c'est un skiphos à figure noire qui date du IVe siècle avant notre ère, donc à peu près... Platon, Irina, c'est pas ouais, quelques décennies qui les séparent, mais on est dans ce monde-là. Et vous voyez alors cette figure mi-homme, mi-femme, mi-bête qui court après des petits personnages qui, regardez, vont se réfugier dans un arbre parce que bah, sans doute va-t-il les dévorer. Et, parce que je peux pas m'en empêcher, je vous ai parlé du monde grec, vous vous souvenez de Lamia ? Eh ben, Lamia, elle me fait beaucoup penser, et je ne suis pas la première à le dire, hein, à une démone mésopotamienne qui s'appelle Lamashtu. Et Lamashtu, dans les textes mésopotamiens, c'est la croqueuse d'enfants, et c'est exactement... Mais vous me direz, mais ce n'est pas Lamia, mais en fait, c'est exactement Gello. Elle, et puis c'est un petit peu la crocota. Elle se promène dans les rues, et puis elle est attirée par l'odeur des bébés. Et la nuit, elle rentre par la porte mal fermée et puis elle vient dévorer le bébé. Et puis, si elle peut en plus dévorer la maman, elle en profite. Donc, vous voyez, on a des invariants dans tout ce monde méditerranéen, hein, du monstre, la monstresse, plutôt la démone, qui va s'en prendre spécifiquement à la femme enceinte, à la femme qui vient d'accoucher et aux tout petits bébés, et puis parfois aux enfants un peu plus grands. Alors là, je vous ai mis hein, des dessins d'amulettes de Lamashtu. Donc vous voyez l'hybridité qu'on retrouve sur cette figure-là et qu'on retrouve aussi avec la mormo aux grandes oreilles qui peut se métamorphoser chez Irina. On la retrouve là, elle a une tête d'âne, elle a un corps de chien, elle est décrite comme ça dans les textes. Elle a des serres d'oiseaux de proie, hein, vous les voyez ici, et puis elle tient des serpents dans ses mains. Alors ça dépend des amulettes, dans certaines, elle tient des serpents, et puis elle allait, et vous voyez qu'elle allait d'un côté un chien et de l'autre un petit porcelet. Donc une figure très, très inquiétante. Alors pourquoi on la représente en train de les allaiter ? On a certains textes qui nous disent qu'elle tue les bébés en se substituant à la nourrice et en les empoisonnant avec le lait. Derrière ces histoires qui font très peur, il y a une réalité. Hein, une réalité démographique dans l'Antiquité, c'est la mortalité infantile. Un enfant sur deux n'atteint pas l'âge de 18 ans. Et une grande majorité des décès avant l'âge de 18 ans, c'est la première année, avec un pic, alors pas au moment de l'accouchement. Les bébés, beaucoup survivent à l'accouchement, mais ne survivent pas aux semaines qui suivent. notamment des fièvres, etc. Pareil pour les mères. Certaines meurent en couche, beaucoup meurent, en fait, dans les semaines qui suivent, des fièvres que pendant longtemps on appelait les fièvres puerpérales, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui sont liées aux suites de l'accouchement. Et alors, rassurez-vous, vous ne verrez rien d'horrible, mais je vous montre quelques images pour vous donner une idée de concrète de cette démographie. On a trouvé un cimetière dans une toute petite île. Vous avez une carte ici, Astupalé. Ce cimetière, c'est un cimetière exclusivement de tout petits bébés. Des bébés morts parce que nés prématurés ou morts immédiatement dans les premières semaines après leur naissance. On a très peu d'autres individus. On en a identifié pour le moment 3000. Vous rapportez à la démographie de l'île, même si ça couvre l'époque archaïque, classique, hellénistique et romaine, rapporté à la démographie de l'île, c'est énorme et ça valide nos chiffres de cette démographie et de cette mortalité infantile. L'image vous rassure, on ne voit rien, si ce n'est les vases dans lesquels les bébés étaient déposés avec beaucoup de soin. On ne les jetait pas. On les déposait dans des vases qu'on enterrait ensuite. Donc il y avait une sorte de protection symbolique qui leur était apportée pour vraiment vous faire prendre conscience de cette réalité. Vous voyez les quantités. Donc imaginez les chercheurs qui sont tombés là-dessus. Alors ils sont très très contents parce que plein d'individus à étudier. Mais on se prend aussi de plein fouet cette réalité ancienne. Et j'ai dépassé les 20 minutes. Je termine avec ça. Alors effrayer les enfants ou pas, il y a une réalité, il y a des monstres qui font peur aux enfants et les auteurs de l'Antiquité se disent « qu'est-ce qu'on fait de ces monstres ?» Alors, effrayer les enfants ou pas, et peut-être que ça résonnera pour certains, vous savez qu'il y a des débats pour savoir s'il faut raconter des histoires du grand méchant loup aux enfants ou de la grande méchante sorcière ou s'il ne faut surtout pas leur raconter d'histoires d'animaux anthropomorphes. Alors, vous allez vite comprendre que ma présentation va être un peu biaisée parce que vous allez comprendre quel est mon point de vue. Callimaque, qui est un poète du 3e siècle avant notre ère, nous raconte dans un hymne qui met en scène l'enfance d'Artémis. Callimaque nous dit que les histoires pour faire peur aux enfants, elles sont bien utiles. Elles sont bien utiles, vous voyez, déjà grandes. Les filles même des dieux ne les voient qu'avec peur. Il parle des cyclopes. Même les petites déesses, elles ont peur. Quand l'une est désobéissante, la mère appelle à l'aide les cyclopes, Argès ou Stéropès. Et du fond de la maison, Hermès accourt barbouillé de cendres noires. Il manque un E à cendre. Il fait le croque-mitaine à l'enfant qui va se cacher dans le sein ou dans les jupes de sa mère, les mains sur les yeux. Donc, on peut se servir. Même les petites déesses, les mamans déesses, ou les papas déesses, d'ailleurs, les papas dieux, quand les enfants étaient désobéissants, on leur faisait peur avec des croque-mitaines. Bon, là, vous avez peut-être eu un tonton qui s'est déguisé en père fouettard quand vous étiez petit. Et bien là, c'est tonton Hermès. Ça, c'est les déesses. Mais en fait, les humaines, dans le monde grec, c'est principalement les femmes qui s'occupaient de leurs enfants, même si ce n'est pas tout à fait vrai, on a des attestations aussi du fait que les pères s'occupaient de leurs enfants et s'en occupaient plutôt bien quand ils le faisaient. Donc, chez Théocrite, qui est un autre poète à peu près de la même époque de Callimaque, on a une maman qui va faire la fête pour les fêtes en l'honneur d'Adonis. Et puis donc c'est une fête de femmes, on fait la fête entre femmes, on est tranquille, on n'a pas le mari ni les enfants dans les pattes. Là justement elle va sortir avec ses copines et il y a son fils qui chougne, maman je veux venir avec toi, c'est pas tout à fait écrit dans le texte mais presque. Et elle lui répond, je ne te prendrai pas avec moi mon fils, puis elle lui dit, mormo le cheval mort. Et puis tu peux pleurer, je m'en fiche, de toute façon je t'emmène pas parce que je veux pas que tu finisses estropié, c'est pour ton bien que je ne t'emmène pas. Et il y a cette phrase que les mères devaient prononcer, les pères aussi d'ailleurs, « Mormo, le cheval mort », autrement dit, le grand méchant loup va venir te croquer ou Madame Croque-Mouche va venir te chercher, selon votre propre panthéon de monstres. Donc on voit que c'était une réalité antique partagée. Alors évidemment, il y a celui qui vient un peu casser l'ambiance, c'est Platon. Platon, dans sa cité idéale, il ne veut pas des enfants peureux. Donc Platon nous dit que les mères, parce qu'évidemment dans sa tête c'est que les mères qui peuvent dire ça, qu'il ne faut pas qu'elles effraient leurs enfants avec leurs histoires, où on leur parle de dieux qui se promènent la nuit, et qui se présentent à nous sous une grande variété de formes étranges. Donc vous retrouvez le thème de la nuit, le thème des métamorphoses, de la de l'hybridité. Et c'est pour elle. Alors, faut pas le faire parce que pour Platon, c'est blasphémer. Il faut pas blasphémer. Et puis de l'autre, c'est rendre peureux les enfants. Vous voyez qu'il y a quand même un débat. Si Platon en parle dans sa cité idéale, enfin quand il décrit la République, c'est parce qu'il y a un sujet autour et que pour lui, il pense qu'on raconte trop d'histoires qui font peur aux enfants et que c'est pour ça que les Athéniens ne sont pas comme ils voudraient qu'ils soient. Et je finis là-dessus. Et puis, vous avez un auteur plus tardif qui s'appelle Strabon, qui écrit aussi en grec. Et alors, ce passage de Strabon, il est extraordinaire parce que ce sont les imaginales. Alors, il nous dit, en général, les fables... C'est une traduction un peu vieillie que je n'ai pas pris le temps de modifier. C'est une vieille traduction du début XXe siècle. Sont les premières leçons qu'entendent les enfants et ce qu'on leur propose comme premier sujet d'entretien. Et la cause de ce choix est que la fable, qui ne représente pas ce qui existe, mais autre chose que ce qui existe, leur révèle en quelque sorte un monde nouveau. Or, on aime toujours le nouveau, l'inconnu, c'est même là ce qui rend avide de savoir. Et, quand à la nouveauté s'ajoute l'étonnant et le merveilleux, le plaisir est doublé. Le plaisir qui est comme le filtre de la science. C'est parce qu'on prend plaisir à écouter une histoire qu'on va apprendre des choses après. C'est parce qu'on prend plaisir à lire Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro qu'on prend plaisir ensuite à aller lire les historiens antiques ou contemporains sur ce sujet. Mais comme à côté du merveilleux qui fait plaisir, nous avons le merveilleux qui fait peur. Il y a lieu de se servir de l'une et de l'autre forme avec les enfants, voire avec les adultes. En conséquence, nous racontons aux enfants les fables agréables pour les tourner au bien, les fables effrayantes pour les détourner du mal, Lamia, Gorgo et Phialtès, Mormoluquet, sont autant de mythes de la dernière espèce. Donc vous voyez que Strabon nous encourage à raconter des histoires pour faire peur aux enfants, mais pour nous faire peur à nous aussi et éveiller en nous l'envie de savoir. Et je pense qu'on boucle la boucle de la présence du comité d'histoire régionale aux imaginales. C'est parce qu'on a cette imagination et ce plaisir qu'on prend à lire les textes, à rencontrer les auteurs, que, bah, in fine, on apprend beaucoup de choses. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Sophie Laribi-Glaudel. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.